des réponses humides. Dans un français plus convenable, j'ai mouillé les questions. Ah, les questions. Les questions que je vais te poser. Parce que j'ai bu de l'eau, j'ai mouillé les réponses. Portais-tu le même veston que la semaine dernière? Si oui, il y a peut-être une question que tu as gardée la dernière conférence pour y répondre aujourd'hui. Je ne porte pas le même veston que la semaine dernière, mais j'ai eu l'été... Oui, j'ai changé la question de veston pour être sûr de l'amener. Je vais commencer par ça. Et maudit, oui. Qu'est-ce que le double éthérique planétaire? Ah, il s'en rappelait, oui, c'est ça. Je vous dis, je le ramènerai, effectivement, les ramener. Alors, je commence avec le double éthérique planétaire, c'est ça? Oui, c'est ça. Effectivement, ça donne mieux, ça va avec la conscience primordiale. Bon, j'aurais dû commencer la conférence avec la question. Donc, il y a un double éthérique planétaire. Faut me réchauffer un peu en dedans. Parce que c'est le double éthérique de plusieurs personnes? De non. Le double éthérique de qui? C'est un double éthérique de qui? De personne et de tout le monde. C'est-à-dire que c'est le double éthérique de tout le monde qui appartiendra plus à personne. Il appartient à qui actuellement? Actuellement, il est en constitution cellule par cellule. Il est en train de se constituer. Mm-hmm. Au fur et à mesure qu'il y a des doubles éthériques individualisés qui se constituent, le double éthérique planétaire est en construction. Lorsque le monde de la mort sera totalement dissous, lorsqu'il y aura 144 000, approximativement 853 corps physiques, qui auront une fusion avec leur double éthérique, il y aura la totalité des cellules permettant la constitution d'un double éthérique planétaire. Et à un moment donné, il y aura intégration, ce qu'on appelle aussi fusion, des doubles éthériques individuels en double éthérique planétaire. Le double éthérique planétaire va digérer tout ce qui reste du phénomène planétaire. Ça se passe dans une chronologie qui se trouve à être, dans l'année standard solaire, dans approximativement, c'est très approximatif, c'est entre 3 et 4 milliards d'années dans l'avenir que le double éthérique planétaire est totalement constitué. Le double éthérique planétaire va se fusionner avec la totalité des énergies solaires et des énergies telluriques, et il va englober... Premièrement, il va englober le plan planétaire. Deuxièmement, il va se nourrir à même le Soleil. Il va englober Mercure. Lentement, il va englober Vénus. Il va englober Mars par la suite, étant donné qu'il va terminer sa totale fusion avec le plan planétaire ainsi que le plan solaire Mercure-Vénus vers ses 4 milliards d'années. Par la suite, il va lentement aller chercher Mars. Il va aller chercher Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune... Pluton, je ne parle pas évidemment des astéroïdes qu'il va aussi ramasser, et une autre planète, après Pluton. Est-ce que c'est comme un trou? Non, ce n'est pas comme un trou, ça ressemble uniquement. Ce n'est pas la même chose. C'est, dans le langage astronomique, ça ressemble à une géante, à une supernova. Le Soleil n'a pas la capacité de devenir une supernova du genre... Le Soleil est beaucoup trop petit, donc il brûle plus longtemps d'ailleurs, ce qui nous permet d'avoir une évolution planétaire. Les Soleils qui sont trop puissants, mais ils explosent trop rapidement. Alors, on aura un double... Ça ressemble un peu à une supernova, une géante, mais ça n'aura pas tout à fait la même affaire. C'est-à-dire qu'un voyant verra comme une supernova parce qu'il verra l'énergie vitale, mais on n'aura pas l'énergie photonique qu'on retrouve dans les géantes. Alors, le double éthérique planétaire, c'est la fusion de tous les doubles éthériques individuels. C'est la finalité totale de tout ce qui a été évolutionnaire, involutionnaire dans un contexte comme celui de notre système solaire. Tous les faisceaux vont se ramasser dans le même double. Tous les faisceaux qui présentement sont effusés dans le système solaire vont devenir un seul et unique faisceau. Et nous allons retrouver le système évolutionnaire similaire à ce que nous avons présentement à une échelle universelle, c'est-à-dire que chaque contexte solaire fusionné en double éthérique planétaire sera l'équivalent d'un être humain présentement sur le contexte planétaire, mais cela à une échelle universelle. Donc, relié à un univers. Même pas un univers, l'univers peut faire référence à un continent, disons à un super univers. Et quand je parle de quelques milliards d'années, faut pas s'impatienter. Je parle en année standard planétaire. Moi, je presse pas. Moi, je crois. Mais je parle quand même en année standard planétaire. La conscience évolue beaucoup plus rapidement que le rythme des rotations, des translations de la planète autour de la Terre. Donc, finalement, c'est beaucoup plus rapide que tu peux penser. Ça presse pas pareil. Est-ce que les antihommes, des êtres nouveaux qui sont évacués d'eux et qui vont se joindre pour créer une plus grande force destructrice, vont être transformés en énergie dans le futur où il y aura toujours cette dualité et des oubliés par le supra dans la résorption de l'univers? Bon, ils seront transformés en aliments et ils nourriront l'homme nouveau, la femme nouvelle et l'enfant nouveau. Ça veut dire qu'ils seront simplement absorbés du point de vue énergétique. La conscience supramentale, en relation avec le dobotérique, donc un peu ici avec ceci aussi, la conscience supramentale, c'est une conscience, c'est la trace laissée par l'effusion qui a engendré l'univers et notre galaxie. Il y a des consciences supramentales quelque peu différentes d'une galaxie à l'autre dans un univers, et la conscience supramentale, si même c'est une conscience galactique dans le premier contact qu'elle aura avec un humain, c'est une conscience, c'est de l'énergie qui permet la conservation en forme de l'univers. Le phénomène bouddhique conserve les super-univers et le phénomène intentionnel conserve, lui, c'est une forme d'énergie qui paramètre, qui est entre les super-univers. La conscience supramentale, elle évolue à l'échelle de l'humain et la conscience supramentale amène de l'information galactique. L'information galactique amène dans la structure évolutive, on peut dire programmative de l'humain, de l'information qui expand sa conscience jusqu'à une échelle galactique. Lorsque chaque être humain a une conscience similaire planétaire, il devient totalement collectif. Et cette collectivité est avancée, elle est telle que dans le monde de la mort, il se fusionne avant de s'incarner, ce qui fait que des milliers de morts se réincarnent dans un seul corps physique, créant un nouvel individu beaucoup plus puissant. Étant donné que l'expérience planétaire est extrêmement disparate vu la non-homogénéité des conditions planétaires, les territoires sont différents. Il y a des famines à des places, des ouragans à d'autres places, de l'uranium à une place, du fer, de l'or ailleurs. Les peuples sont totalement différents, vu la tellurie différente. Cela engendre des expériences différentes qui nuisent énormément aux collectivistes planétaires. Ce qui va faire, ça va quand même engendrer un collectiviste qui va être un collectiviste qui sera normalement national. Et un peu plus loin dans l'évolution astrale, il peut devenir un collectiviste théologique qui va alimenter, qui va, soit théologique, soit financier, qui va réunir différentes nations. Mais il y aura toujours des guerres sur le contexte planétaire, tant que l'humain sera investi d'expériences typiquement planétaires. La conscience supramentale, elle amène, lorsqu'elle crée des dobétériques, elle amène lentement la possibilité de nourrir le monde de la mort d'une expérience qui est beaucoup plus homogène globale, l'expérience d'une galaxie, qui dans sa structure et dans la rapidité d'information ne permet pas à l'événement d'être localisé dans une mémoire et il diffuse l'événement à travers la galaxie au complet. On parle toujours du point de vue d'une conscience supramentale, donc d'une énergie qui est au-delà de l'énergie photonique, qui elle est limitée à la vitesse de près de 300 000 km à la seconde. L'individu a une conscience, la conscience supramentale, elle amène donc ce que tout à l'heure j'expliquais, une conscience supramentale fait que tu ne peux plus haïr, tu comprends la mécanique, donc tu finis par avoir une vision plus globale de la mécanique planétaire, ce qui fait en sorte que lorsque tous les individus auront cette conscience supramentale, ils auront tous la même vision, c'est-à-dire qu'ils auront accès à tous les points de vue en même temps, donc ils auront une vision plane d'un monde tridimensionnel ou quadridimensionnel si on inclut le temps. Le dobétérique planétaire, c'est cet accomplissement total de la conscientisation supramentale du plan planétaire qui va permettre à tous les individus d'avoir tous les mêmes points de vue. Donc, il n'y a plus finalement de cette problématique de guerre, de théologie, de finance. Il n'y a plus de raison d'en avoir. Il n'y a plus aucune raison d'en avoir, non. Est-ce qu'il y a une relation entre la conscience supramentale et ce qu'on appelle le subconscient? Le subconscient, c'est l'ego. Le subconscient, c'est toute l'accumulation des mémoires expérientielles dans les mémoires volatiles de l'âme qui s'agglomère pour engendrer l'identification que l'on appelle le moi, le je. Tout le reste au complet fait partie du conscient de l'ego. Lorsqu'on hypnotise un individu, l'ego, quand il fouille dans ses mémoires volatiles, il a l'expérience du conscient. Ce qu'il appelle le conscient, c'est ce qu'il est capable de faire réfléchir, c'est ce qu'il est capable d'envoyer dans la conscience neuronique, dans le cerveau, pour engendrer une image électromagnétique, des polarisations neuroniques. Et là, il la relie par un interpréteur qui est yénique. Et là, il a l'expérience de ce qu'il vit dans l'âme. L'inconscient, le subconscient, c'est similairement la même chose. Le subconscient, on parle de subconscient parlant d'une conscience qui, elle n'est pas celle du conscient, mais qui appartient au conscient. Dans l'hypnose, on est capable d'aller chercher de l'information sur le conscient, sur le subconscient. L'ego est, comme je l'expliquais souvent, un œil. Il peut voir les choses, mais ne se voit pas lui-même. Par l'hypnose, on est capable de faire travailler l'ego pour qu'il laisse des traces. Et ces traces-là seront immédiatement communiquées dans le langage, par la parole. Comme l'ajusteur de pensée a la faculté de le faire, l'ajusteur de pensée est capable d'amener de l'information. Et quand un individu développe sa parole, il est capable de ne pas penser, donc il est capable de rendre opérationnel son ajusteur de pensée, il est capable de dire de l'information avant qu'elle soit colorée par l'ego. Lorsque l'hypnotiseur travaille, il parle au subconscient, à l'ego, et il oblige l'ego à dire des choses. L'ego doit répondre à des questions. Comme l'ego doit répondre à des questions, c'est la même mécanique que lorsque tu m'interviews, tu obliges mon ajusteur à répondre à des questions, et comme je le fais immédiatement par la parole, je n'ai pas besoin de réfléchir ou de penser ce que je vais dire, ça passe immédiatement, c'est exécutoire. L'ego, passant immédiatement par la parole, amène des choses qu'il ne connaît pas lui-même, parce que lui ne se fie pas à lui, il se fie aux mémoires expérientielles. Il amène de l'information, il ne se rappelle jamais de ce qu'il a dit, et là, l'hypnotiseur peut, parce qu'il l'a enregistré, peut lui donner. Le subconscient, c'est l'ego. L'inconscient, c'est la condition du subconscient. Est-ce que par l'hypnose, on pourrait faire en sorte d'accélérer le processus de négolisation d'un individu? Non. Moi, je peux faire de la chirurgie égoïque. Je peux pénétrer une âme et éliminer par chirurgie astrale, c'est-à-dire comme la chirurgie, on fait des mains parallèles, je peux aller couper, éliminer des parties de son ego qui sont totalement limitateurs de son évolution ou qui le paranoïsent ou qui le rend extrêmement violent ou qui le rend extrêmement inécologique, qui le rend totalement idiot. Je peux aller chercher ces parties-là et je peux les travailler de façon à ce que l'ego puisse les reprogrammer immédiatement ou encore je les élimine carrément de l'individu. Je fais ça de l'exorcisme dans le langage théologique. C'est de la chirurgie astrale, on peut faire cela. La problématique, c'est qu'un individu qui se voit ainsi départi d'une quantité d'énergie, si c'est un exorcisme, l'exorcisme est extrêmement dangereux. L'exorcisme traditionnel théologique, c'est que tu élimines une partie pour la remplacer par une partie d'un archétype théologique. L'individu n'étant plus l'esclave, disons, du diable, devient l'esclave de Dieu. Il ne trouve pas son seul maître. La problématique, c'est que moi, je n'ai jamais fait cette chirurgie, je ne veux pas le faire. Premièrement, elle demande le consentement du mental de l'autre. Parce que c'est par l'ajusteur de pensée et le mental de l'autre que je pénètre pour aller faire ce genre de travail. Donc, le mental de l'autre doit être suffisamment libéré de la contrainte de l'ego pour comprendre réellement qui est ce que je vais faire, parce qu'il devra m'aider à le faire. Je vais communiquer au mental, par son ajusteur de pensée, ce que lui doit faire. Autrement dit, moi, ce que je fais, c'est que tu as un corps au pied, je te donne le bistouri et je t'explique comment faire. Si tu es trop émotif, tu vas risquer de couper l'artère au complet. Si tu es totalement mental, il n'y a pas de problème. Tu y vas, tu écoutes ce que je dis, tu fais totalement. De cette façon, tu apprends, tu deviens ton seul maître. Et moi, karmiquement, je ne m'assujettis à rien, je te parle, je t'explique. Mais si je le fais à un ego, je manipule l'ego à faire la chirurgie, donc je deviens le maître de l'ego, karmiquement, je suis le responsable. Si je parle à ton mental, je ne peux pas karmiquement être dominant d'un mental. Donc, je dois travailler avec un individu suffisamment mentalisé, et lui, par la suite, doit travailler pour exécuter ce que je vais lui dire. Je dis que je fais de la chirurgie d'ego, je reste le chirurgien, mais l'autre devient mes mains. On peut faire cela. On peut même aller, par exemple, dans un centre hospitalier en psychiatrie, et aller rencontrer un individu totalement possédé par une âme particulière, et je pourrais y aller, et puis faire un travail qui ferait que l'individu sortirait de là. La problématique, c'est que je m'assujettis karmiquement à l'individu, c'est que lentement, je deviens un faux maître. Lentement, je peux devenir un dieu, je peux être théologisé, je peux être personnifié, bref, je m'arrange, je m'enterre sur une tonne de sécrétion astrale d'individus. Pourquoi je ne le fais pas? Mais ça se fait. Que sont les constituants psychologiques, c'est écrit comme source, psychologique, je le lis comme c'est écrit, des antihommes, les qualités au ciel et les défauts sont-ils deux parties distinctes de l'âme à la séparation d'une personne d'une mort lente? Le ciel, c'est de la vapeur d'eau, et puis la terre, c'est de la glace. L'âme, c'est de l'eau, c'est entre les deux. Dans l'eau, il y a des molécules prêtes à partir en vapeur et des molécules prêtes à être cristallisées en glace. Il y a un équilibre. Plus l'eau est froide, plus les molécules sont prêtes à être cristallisées en glace, plus l'individu, par rapport à la moyenne, l'eau, est satanique, froid, diabolique, disant les gens pour les expressions qu'ils veulent, involutif. Plus l'individu est bâti d'eau chaude, plus les molécules ont tendance à rejoindre la vapeur, le monde de la mort, le ciel, plus on dira qu'il est évolué. Mais c'est faux, c'est pas de l'évolution. L'évolution, c'est de l'intelligence. C'est pas le facteur d'être manipulé par Dieu. C'est pas ça l'évolution. Plus Dieu te manipule, plus t'évolues. Plus le diable te manipule, plus t'es évolué. C'est pas ça pas en tout. Plus t'es manipulé, plus t'es évolué. Par Dieu ou par le diable. L'antihomme, les facteurs, par exemple, les qualités, les défauts, c'est quoi? Si dans l'être humain qui meurt, ça gagne le monde de la mort, une grande partie de ce qu'on appelle les défauts, c'est ce qui, normalement, chez l'humain, ou disons chez vous, avait tendance à refroidir la vapeur d'eau des autres. Et on dit que c'est des défauts. Mais les défauts, c'est question de territoire. Les défauts, c'est une question de géographie, c'est pas une question de réel moral. Dans certains cas, coucher avec un paquet de femmes, et puis de les rendre fécondes, c'est pas de les ensemencer, comme ils disaient à l'époque, comme ils disaient encore dans des pays, c'est une qualité. Dans une autre géographie, c'est un maudit défaut. Donc, dans le contexte où on est, les particules de l'eau qui ont tendance à se cristalliser ou à refroidir les autres font partie des défauts. Quand l'être humain gagne le monde de la mort, tout ce qui a se cristallisé se cristallise. Tout ce qui a se cristallisé est plus proche de la liquéfaction le fait. Ce qui reste liquide reste liquide. Ce qui a tendance à s'approcher de la gazéification le fait. Ce qui devient gazeux le fait. Et c'est pourquoi l'être humain, l'âme, dans le monde de la mort, est tellement digéré, ajusté aux différents paliers. L'antihomme, c'est la même chose. L'antihomme a des qualités et des défauts. L'antihomme, c'est la mémoire de l'involution. L'antihomme, c'est ce qui empêche l'humain d'évoluer. Vous avez une qualité, vous êtes bon. Mais apprenez à dire non, vous allez être mouvement plus heureux. Vous avez un défaut, vous êtes égoïste. Oui, c'est un défaut pour ceux qui ont besoin de vous, mais c'est peut-être une qualité. L'antihomme, il est constitué et de qualités et de défauts et de neutralité. Et dans le monde de la mort, il se divise dans ces facteurs. Comment modifier un état d'hypersensibilité que je trouve nuisible et inutile? Voilà, ce n'est pas nuisible, ce n'est pas inutile. C'est problématique. C'est con. Pas pareil. Beaucoup de choses qu'on peut trouver con. Mais que c'est utile. Un automobile, c'est con. Ça pollue. Ça ne traverse pas les murs, ça ne vole pas, ça ne traverse pas les océans, mais ça traverse un bateau, mais c'est con, un automobile. Un avion, c'est con, ça s'écrase, ça pollue, ça fait du bruit. Un policier, c'est con, mais c'est stable, c'est constable. Ben, c'est ça. Il y en a qui sont religieux, des concierges. Hein, c'est bon. Bon, on peut consulter longtemps. Des conneries. Des choses connes qui ont ri, c'est conneries. Alors, c'est bon. Comment modifier un état d'hypersensibilité que je trouve nuisible et inutile? Bon, que je trouve nuisible et inutile, ça ne sert à rien. On plie la question. Comment modifier un état d'hypersensibilité? Ça, c'est une question. Vous devez épaissir votre périsprit. Ça, on le sait. Ça, il y a 25 à 7 qui le disent. Épaissir son périsprit, vous devez devenir plus épais et plus épaisse. Et c'est vrai. Devenez épais et épaisse. Quand les gens vont vouloir vous expliquer quelque chose, puis ça vous comprendrait pas tout de suite, là, quand on va vous dire que vous devriez transplanter vos fleurs ou ceci ou cela, quand vous allez commencer à être de moins en moins manipulé par autrui, quand vous allez être épais et épaisse, vous allez être beaucoup moins sensible. Par contre, comment on devient épais et épaisse? parce qu'on peut être manipulé par autre, on peut être manipulé par un accident. On peut venir au monde de même. Devenir au monde épais, oui, c'est ça. Mais moi, j'étais épais dans le plus mince, comme qu'il disait. Bon. Première chose que l'humain doit faire, c'est surveiller son alimentation. Bon. Qu'est-ce que c'est que l'alimentation? Le corps physique n'a pas besoin de fer. Il n'a pas besoin de calcium. Il n'a pas besoin de chlore. Il n'a pas besoin de ligoéléments. Il n'a pas besoin de protéines. Il n'a pas besoin d'acides aminés. Ça, c'est des farces. Le corps physique n'a pas besoin de ça. Mangez-en plus, vous allez continuer à vivre. À la condition que vous ameniez à votre corps la forme énergétique et vitale qui, normalement, est transportée dans la molécule de fer, dans la molécule de calcium, dans la molécule de chlore, etc. Aussi de l'énergie. Oui. Des batteries, ça va. Imagine-toi bien qu'on prend du fer. On en mange régulièrement du fer. Pourquoi faut qu'on en mange régulièrement du fer? À quelle quantité qu'on a mangé depuis qu'on est au monde, on devrait peser quelques centaines de livres? Parce qu'on élimine le fer, oui, une fois qu'il est oxydé. Une fois qu'on a transformé sa structure atomique, la structure vitale, on a pris l'élément qu'on avait besoin, le fer devient un déchet, oui, poubelle. Et l'énergie, bien, on s'en sert. Elle nous mute, elle augmente notre masse. Augmentant la masse au niveau de l'ego, au niveau du mental, elle diminue l'énergie au niveau du corps physique. Est-ce que on ne la perd pas, l'énergie. C'est toujours la même qualité ou le même type d'énergie qu'on a besoin? C'est le même type d'énergie, mais qui peut être exprimé de façon différente. On ne pourrait pas s'alimenter ou d'une seule source? On peut s'alimenter d'une seule source. Bon, j'explique que c'est intéressant. On a déjà vu que l'animal humain, l'homme, devait manger de la viande. Seul celui qui mange de la viande atteint la conscience supramentale. Le végétarien, non. La viande amène de l'expérience hormonale, de l'expérience astrale que les animaux ont vécue, et nous oblige à nous égoïser davantage. Donc, on devient plus violent, plus irritable, plus agressif. Cela nous amène plus rapidement à l'écœurement. De l'écœurement. On mobilise notre mental pour solutionner nos problèmes et lentement, on devient supramentalisable. Donc, il faut faire attention à l'alimentation. Encore beaucoup parmi vous devriez manger de la viande. Dans le séminaire, j'ai dit aux individus de ne pas manger de viande parce que je veux qu'ils ne perdent pas d'énergie. Parce qu'on doit prendre de l'énergie vitale pour vitaliser la viande, pour qu'elle ne pourrisse pas dans le système digestif avant qu'on l'ait digéré. On peut manger de la viande vivante, marqué sur tu ramasses un bœuf, tu manges qu'un vivant, il n'y a pas de problème. Pas un taureau. Ben, ça dépend. C'est bel attaqué. Peux-tu l'endormir, là-bas? Non, mais ça dépend de l'âge du taureau. Ouais. S'il est freiné, c'est pas trop pire. Manger de la viande, c'est extrêmement important. Mais, et quand on mange de la viande, on ne la mastique pas. La balle, tout rond. J'ai expliqué aussi pourquoi. Comme un chien. Pas besoin de mastiquer ça. Notre estomac doit travailler. S'il ne travaille jamais, on finit par avoir des problèmes. De manger ça tout rond, la viande. C'est pas une preuve de nervosité de manger vite. Ça peut être une preuve de nervosité. Maintenant, ce qui arrive, c'est quand l'individu est rendu à une phase où son écœurement est à un point, où il commence à voir la stupidité des choses. La viande commence à être un problème. Il doit s'alimenter et se diriger vers une alimentation qui contiendra au minimum la moitié de végétaux. De végétaux vivants. Je ne parle pas des végétaux tout cuits. Et là, ça devient un problème parce que dans notre alimentation sociale, la société actuelle est une société, la société non-planétaire, en l'occurrence américaine, en l'occurrence québécoise, est une société qui bâtit des corps qui sont à diriger vers la supramentalisation. Donc, qui, dans les restaurants, nous ne retrouverons pas l'alimentation qui serait utile pour notre état. Ça devient maintenant compliqué de s'alimenter convenablement. Je ne parle pas d'être végétarien, c'est pas ça qu'il faut faire. Qu'est-ce que ça serait, l'alimentation utile? C'est de continuer à manger de la viande lorsque on a l'impression que le corps physique en demande. C'est de manger énormément de légumes et de fruits crus. Mais ça veut dire quoi manger des fruits crus? Vous avez le choix de manger 8 branches de céleri et vous avez le choix d'en manger une seule. mais de la manger, celle-là. On peut manger une pomme, puis on peut manger une pomme. C'est quoi la différence entre manger un céleri, puis manger un céleri? Tout est dans l'art de la mastication. Faut que tu mastiques plus ou moins que la viande? Faut que tu mastiques. Premièrement, les aliments végétaux sont vivants. Ils ont donc de l'énergie vitale à t'apporter, et il y a uniquement la bouche, entre autres, qui la capte. C'est pourquoi lorsque l'on mange des végétaux, là, on doit mastiquer. On n'avale pas ça tout rond. Celui qui mange sa pomme comme il mange sa boulette de viande, devra manger beaucoup de pommes. Celui qui mastique énormément pour mettre plein de salive et y aller dans sa boulette de viande, mais la salive, elle ne digère pas la viande. Elle digère l'amidon. Bon, donc ça vaut vraiment pas la peine qu'il mastique énormément. Oui, mais c'est parce que l'estomac, c'est un muscle, ça doit travailler. Si on rend ça paresseux, on aura des problèmes de digestion. Là, il faudrait mastiquer en maudit, sinon il faudrait mettre ça dans le blender avant. Bon. Parce que l'estomac, à un moment donné, lui, il est piétard. Il est un humain piétard après Dieu. Manger un cheeseburger avec des pailles, c'est pas pareil. Non, mais il y a des personnes âgées qui font ça. C'est patates, les cheeseburgers, le dessert avec, ça sauve du temps, mélange tout au complet. Après ça, tu pousses ça dans la bouche, puis oui. Bon. Ben, c'est pour leur santé qu'ils font ça. Ben, ils demandent leur et ils disent. Pas les vieux, mais ceux qui nourrissent. Ceux qui préparent le lunch. Donc, on doit manger convenablement, de plus en plus manger de légumes. Et je le répète, on doit marcher de plus en plus nu-pieds sur de la terre, sur du gazon, sur de la neige. Pas sur un patio, là. Bon. On doit prendre de plus en plus de soleil à l'ombre. Pas de soleil au soleil. Tous ceux qui drainent encore leur énergie en se carottisant le corps, c'est le cas de le dire, parce que là, c'est une carotte pour l'ego, puis en même temps, c'est de la carotène ou presque. Les carottes sont cuites. Stop. Ceux qui se font bronzer perdent énormément d'énergie. Quelqu'un va dire, oui, mais tiens, tu devrais te faire bronzer un peu, tu as l'air blême. Oui. Ça, c'est l'imbécilité sociale. Parce que j'ai l'air blême, je suis pas en santé. T'es un peu, je rentre dans la chambre de bain, snack, tu ressors de là. Tiens, là maintenant, je suis en santé. L'homme blanc, c'est-à-dire celui qui n'est pas bronzé, il peut être brun, noir, etc., pas bronzé, conserve beaucoup plus d'énergie que celui qui a du temps et de la vie à perdre, à se planter devant le soleil, à attendre que le soleil vienne rendre très fibreuse ses cellules. On appelle ça faire vieillir. Ça, on parle pas des cancers cutanés. Là. Parce que c'est une perte d'énergie ou parce que c'est dangereux? Énorme perte d'énergie, en plus du danger cutané. Pourquoi perte d'énergie? Le soleil, faites attention, fuyez-le. Se prendre du soleil à l'ombre. Tout ce qu'on a besoin pour faire de la vitamine D, à l'ombre, on le ramasse. Il y a en masse de reflets, il y a en masse d'énergie solaire. Il y a en masse de provisions, d'énergie justement. Donc, rayon solaire, on résume toutes les énergies dans la lumière. On est à l'ombre, on n'est pas exposé au soleil, on filtre déjà. Je ne parle pas évidemment des cercueils, là. Je ne suis pas un cercueil, il n'y a pas ça quand même. Des endroits où tu te couches, là, puis ils t'en mettent plein à la face, là. Bon, cool. Et l'individu qui se plante au soleil, premièrement, se fait totalement drainer son énergie yin. Se faisant totalement drainer son énergie yin, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'individu risque d'être beaucoup plus fatigué, mais surtout, il sera beaucoup plus irritable, beaucoup plus influençable, beaucoup plus manipulable. Quand on mange des aliments, des végétaux, on ramasse de l'énergie yin par une voie convenable et énormément d'énergie yin. Quand on prend du sommeil, quand on boit de l'eau, c'est de l'énergie yin. On en a besoin. Quand on respire de l'air, c'est de l'énergie yin. S'exposer au soleil, c'est dangereux. En plus, c'est une perte de temps. Premièrement, le corps physique devrait lutter énormément pour supporter ce qui se passe, perdre d'énormes d'énergie, mais en plus, on yinise notre énergie yin, donc on diminue, on altère le périsprit. On l'aime ainsi. Il y a un interpréteur yin, il y a un interpréteur yin. Si on épuise l'interpréteur yin, toute notre expression astrale sort comme on veut. Elle sort comme on veut pas, elle s'exprime d'une façon absolument efférente. Il faut faire extrêmement attention à ce genre de choses, donc on ne prend pas de soleil au soleil, on prend du soleil à l'ombre. Exposition solaire, c'est pas génial. Ça ne veut pas dire qu'on devient fou, là, maintenant. Ça veut dire que le moindrement qu'on sort, puis il y a du soleil, on se voit qu'il y a un parapluie, puis etc. C'est pas ça, là. On devient pas un vampire, on sort rien que la nuit. Briser des formes, un jeu supramental. Où est l'intelligence d'insécurité des égaux au point de les rendre non fonctionnels quand le mental n'est pas prêt? Quand le mental n'est pas prêt, on ne fait jamais ça. Voilà. Quelle méthode puissante me permettrait-tu... Non, je recommence. Quelle méthode puissante me permettrait d'ordonner à mon égo de lâcher prise dans quoi que ce soit? J'ai déjà expliqué que si on prenait un individu qui n'était pas pire, et puis qu'on l'entraînait intensivement, ça prendrait plusieurs années avant qu'il soit à point. Comme l'individu fait son temps très partiel, je prends plusieurs années de plus. Quelle méthode puissante me permettrait d'ordonner à mon ego de lâcher prise dans quoi que ce soit? Il existe effectivement des méthodes. Est-ce qu'une colère mentale, ça peut être... La colère mentale, c'est l'une des meilleures méthodes proches de l'individu actuel. C'est l'une des meilleures méthodes. La problématique, c'est que l'individu, l'ego, est toujours pressé. Parce que bien souvent, l'ego investit du concept anti-ego, parce que bien souvent, l'ego veut se débarrasser de l'ego. Il est impatient. Moi, j'expliquais à une personne, je lui disais, « Donne-moi 25 000 $ et je te donnerai 6 mois de cours. » On va se louer un vrai trou où tu vas rester là, tu vas coucher là. Tu vas manger de l'alimentation que je vais t'amener. Je suis très, très mauvais cuisinier. Et je vais te faire faire... Tu es là 24 heures sur 24 pendant 6 mois pour 25 000 $. Tu vas mourir, bien avant ça. C'est toi qui fais la cuisine. C'est justement parce que je ne cuisinerai pas qu'il risque d'avoir des problèmes. Enfin. Et après 6 mois, l'individu, il a sa méthode puissante. Mais il y a une chose qui est officielle. C'est qu'une personne va dire, oui, mais là, pourquoi il faut donner 25 000 $? Parce qu'il faut un mental suffisamment apte à appliquer une méthode puissante. L'individu qui est capable de vouloir éliminer son ego mentalement, autant que son corps physique a besoin d'oxygène pour respirer, il est prêt. 25 000 $, c'est pour éliminer toutes les personnes qui ne sont pas prêtes. C'est pas pour faire de l'argent. Cet individu-là, à un moment donné, je lui ai dit, voilà, ben là, voici un billet. Et tu t'en vas à Bangkok. Qu'est-ce que je vais faire là? Va à Bangkok. Puis je donne une adresse ou un téléphone, puis tu rencontres ce personnage-là. Puis lui, ben là, il part à Bangkok. C'est avec son argent que je paye son voyage. Mais je l'attends à Bangkok avec son argent. Et il est pas là 6 mois. Puis former un individu pour en faire un surhomme, là, une surfemme, ça c'est pas de problème. Il faut que l'individu soit mentalement prêt. Et de questions plus proches. Première chose, être capable d'accepter son ignorance. Ne pas exiger de l'univers de tout comprendre immédiatement. Deuxième chose, parce que ne pas exiger de comprendre immédiatement veut dire se garder en vie. Puis dire, on va attendre. Plus on est patient, plus ça va vite. La patience n'est pas le privilège de l'ego. Plus on est impatient, plus ça prend de temps. L'impatience est le privilège de l'ego, c'est de l'égoïsation. Et le chemin, c'est la négoïsation. Plus on se dit, pas grave, plus vite ça va. Plus on se dit, oui, mais il me semble que, plus long ça va. Troisième chose, se respecter. Être capable de supporter notre différence. Devenir naturel, ne plus être normal. Quatrième chose, accepter de devenir un aristocrate planétaire. Changer son nom de forme, premièrement. Ne mettre que des vêtements qui nous plaisent. Lentement, on se désachetit de la mode. Et lentement, on finit par ne mettre que des vêtements qui, de plus en plus, vont aller avec l'onde de forme que l'on veut récupérer, ceux qui dirigent. Pas nécessairement qui dirigent les sociétés. Ça en viendra là de toute façon. mais ceux qui se dirigent eux-mêmes, des maîtres. Par la suite, et on doit développer dans l'onde de forme, dans le vêtement de l'expression, la parole. On doit développer une parole qui sera contrôlée par le mental. Qu'est-ce qu'une parole qui est contrôlée par le mental? C'est une parole qu'on est capable d'écouter, pas d'entendre, d'écouter en même temps qu'elle sort par notre bouche. Alors, il y a de l'intelligence qui maintenant peut passer par un canal et nous écoutons ce qui se passe et cela va à notre ego. Tandis que dans la majorité des humains, ça passe par le canal, ça descend dans l'ego, c'est coloré dans l'ego et ça sort par la parole. Ça n'a plus de valeur. Et je parle encore d'une solution puissante. La parole, elle est d'or. Sinon d'uranium, de plutonium. C'est bien plus que de l'or. La parole, c'est la voix qui permet à l'ajusteur de pensée de devenir opérationnel. Il y a différentes mécaniques qui permettent à l'humain d'augmenter son vocabulaire usuel. L'humain communique normalement avec 200 mots. Et l'humain doit augmenter son vocabulaire jusqu'à avoir des milliers de mots. Parce que lorsque l'intelligence descend, exemple que je donnais à des séminaristes à un moment donné, vous cherchez le mot camion, vous parlez en franglais, vous dites un troc, et l'intelligence descend, et là, elle veut sortir le mot camion, et dans votre vocabulaire usuel, il y a le mot troc. Camion, ça c'est dans d'autres vocabulaires, d'autres tiroirs dans le fin fond. L'intelligence descend, elle prend le mot troc. L'ajusteur de pensée fonctionne dans une langue. Vous êtes bilingue, deux ajusteurs de pensée. Trilingue, trois ajusteurs de pensée. L'ajusteur qui phraséologie les choses en français descend, il voit le mot troc que vous lui suggérez. Troc, c'est un échange sans argent entre deux individus. Pas ça qu'il veut dire, lui. Le temps qu'il cherche dans votre tiroir usuel le mot, vous vous débranchez. Or, vous devez apprendre à lire. Vous devez devenir suffisamment mental pour comprendre que la langue française, quand on communique en français, en anglais, quand c'est en anglais, a une valeur, de l'importance, de l'utilité dans l'évolution. Et lentement, vu qu'on développe notre langage, les gens vont dire, il me semble qu'il est instruit. Oui, vous devenez de plus en plus aristocrate. Pas snob, aristocrate. La parole ajuste la pensée. La pensée étant l'expression de l'ego et des manipulateurs, la parole ajuste en réalité l'interpréteur actionnel. Vu que la parole ajuste l'interpréteur actionnel, vous désassujettissez votre système mental, hypothalamien et thalamien, glande pinéale, glande hypophyse, de l'interpréteur astral, l'interpréteur actionnel, relié à l'ego, et vous le collez, l'assujettissez au plan mental. Vous devenez votre seul maître. L'individu, parlant de colère mentale, l'individu qui a de l'autorité mentale dans l'astral, doit avoir plusieurs des éléments que j'ai énumérés, et nécessairement une voix mentale. Une voix mentale, c'est une voix qui exprime le mental. Une voix qui n'est pas hésitante. Une voix qui ne provient pas de l'intérieur, déphasée par l'arrière sur le centre laryngé. L'ego refuse de parler. Comme quand on pratique les kiai. Pris dans l'arrière du centre laryngé, l'ego est pris. En avant du centre laryngé, l'ego veut trop. Hey! Sur le centre laryngé, équilibre. La voix mentale est une voix qui n'est pas en avant du centre laryngé, qui n'est pas en arrière du centre laryngé, qui est sur le centre laryngé. Alors, elle n'explique pas une coloration de l'ego, elle exprime du mental, qui normalement est associé à une intelligence supramentale. L'expulsion de l'anti-homme se fera par la parole. Une fois étendu sur mon lit, je me suis mis à entendre un son et lorsque j'ai imité ce son avec ma perception vitale et mon corps est devenu totalement paralysé. Est-ce une entité qui a tenté de me posséder ou une extériorisation astrale? Est-ce dangereux de laisser libre cours à ce phénomène? Il faudra que je change mes lunettes. Il faut que tu apprennes à lire en métagnomie. Ah, c'est ça. Avec tes mains. Voilà. Non, c'est parce que je viens de voir la race de celui qui avait fourni les papiers. Bon. Une fois tendu sur mon lit, je me suis mis à entendre un son et lorsque j'ai imité ce son avec ma perception vitale, mon corps est devenu totalement paralysé. Ce n'est pas dangereux tant qu'il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger tant que votre ego ne s'en mêle pas, tant que vous n'avez pas peur et tant que vous ne jouissez pas. Tripez pas. Si tu as peur. De plus, si tu as peur, il y a du danger. Danger que tu t'assujettisses ou danger que tu te fasses dominer. Puis si tu sais que c'est dangereux, ben là, tu vas avoir peur. Ben oui, tu as peur. Donc, ça vaut même pas la peine de savoir que c'est dangereux. L'important, c'est de ne pas avoir peur. Donc, c'est pas dangereux. Il y a de plus en plus d'individus avec lesquels je travaille, justement, qui vivent de différentes choses de ce genre. Et c'est le même phénomène. La conscientisation, ça donne des résultats. Dans le début, c'est inconscient. Et c'est quoi les résultats? N'importe quoi. Tout est possible. On est conscient, on observe, on entend un son, on imite le son. Le son qu'on entend est peut-être un son astral, ou un son vital, peut-être un son des sphères célestes, des musiques des fois. Ça peut être, c'est un son. C'est une vibration qui est décodée par une partie du cerveau, pas nécessairement l'oreille. Le cerveau peut, par l'interpréteur psychologique, essayer d'aligner cela comme si ça venait de l'oreille, mais ce n'est pas nécessairement de l'oreille. Bouchez-vous les oreilles, on va continuer à l'entendre. Le fait d'imiter le son, c'est comme un mantra. On peut l'imiter par le centre laryngé. On peut l'imiter aussi par le corps vital, effectivement, donc il résonne au niveau du corps ou du cerveau. Automatiquement, on s'abreuve de l'onde de forme, donc on puise une énergie vitale. L'énergie vitale est là. La faculté de faire piquer, de donner des impressions de picotement, de donner des impressions de chaleur, de refroidissement, de froid, de courant d'air, d'engourdissement. L'engourdissement amène jusqu'à la paralysie du corps. C'est temporaire, on s'énergise. Tant que le mental est là, tant que vous êtes observateur, tant que vous observez ce qui se passe, vous ne contrôlez pas tout, mais vous êtes là en explorateur. Il y a toujours des risques. Mais ça vaut la peine. Je constate que lorsque j'élimine un problème de ma vie, d'autres apparaissent. Peut-il être intelligent à une certaine étape d'accepter de s'embarquer dans des situations problématiques qui puissent être moins dommageables sur certains aspects, exemple, le corps physique, l'énergie financière? Faites attention à toutes les... Il y a des rythmes. Disons, à toutes les années... Il y a un problème majeur nouveau qui vous attend. Celui qui ne règle pas de problème, il les cumule. C'est pas chaque fois que je n'ai réglé un, il y en a un qui apparaît. Mais non, une chance, vous avez réglé un juste avant que Claude arrive. C'est pas vrai ce que je dis là, mais c'est une autre façon de voir les choses. C'est intéressant. Parce que l'humain, c'est le temps, quand j'ai fini, il y en a qui apparaît. Mais peut-être c'est pas vrai, peut-être qu'ils sont tous là. Puis quand tu as une chance, tu as fini, sinon tu en aurais eu 15, 20, 30. Deux maintenant. Exactement. Bon, il faut faire le tour des... Ah, puis je peux en donner plein d'autres points de vue, remarquez bien, c'est pas le seul. Peut-il être intelligent à une certaine étape d'accepter de s'embarquer dans des situations problématiques qui puissent être moins dommageables sur certains aspects, corps physique, énergie financière? Je ne donne pas de conseils et sachez une chose, ce que vous allez faire, c'est de toute façon ce que vous allez faire. Donc, même pas la peine de poser la question. Les maisons nouvelles auront-elles une chambre à résonance, c'est-à-dire un vide de tout objet, afin de pouvoir y faire des quilles, chants de voyelles, contrôle du son, de la voix, etc.? Accélère-t-on la recharge énergétique dans un lieu comme ça? Et bref, quels en sont les bienfaits? La maison nouvelle est une maison qui est en contact. Non. La maison nouvelle est une maison qui énergétiquement est en contact avec l'humain, c'est ce que je veux dire, mais qui... Bon, je vais en décrire une brièvement. Ça n'existe pas encore aujourd'hui. Possiblement qu'un jour, tu vas en construire. Premièrement, sa forme est une forme hémisphérique, d'hémisphère. Parce que l'onde de forme d'une demi-sphère, quand on est à l'intérieur, il n'y a pas de point focal, pacifie l'ego, augmente la vibration, réchauffe la glace, augmente la vibration des bas égaux, libère l'humain vers une évolution. La pyramide, elle momifie, elle corporifie, elle endort. Après avoir pacifié, elle rend violent et après ça, elle fixe. La maison est totalement isolée du sol. L'énergie cosmique qui touche la maison n'est pas communiquée au sol, donc la maison devient un immense condensateur, et lorsqu'elle sera pleine, elle va commencer à rayonner. rayonnant la forme hémisphérique oblige le rayonnement vers l'intérieur, comme un miroir parabolique, et l'énergie cosmique traverse maintenant l'individu au complet, comme si l'individu était dehors. Donc, il est dans sa maison, dehors. Comment peux-tu visualiser une maison du sol? Il faut absolument que la maison soit constituée, soit bâtie, soit isolée de la Terre avec un matériel qui, lui, n'est pas conducteur d'électricité et qui n'est pas conducteur d'énergie tellurique, donc pas conducteur de la foudre, entre autres. Et nécessairement, quand ça se couvre suffisamment, il y a un ordinateur qui branche ta maison avec le sol, paratonnerre est maintenant complet. Voilà. L'individu a un immense espace visuel à l'intérieur de sa maison, il en a absolument besoin. La maison peut mesurer, peut avoir 20 pieds de haut, son salon peut avoir 20 pieds de large, 20 pieds de haut, 40 pieds de longueur. Il a, on peut donner plusieurs exemples dans, comme ceci. Il n'a pas de ménage à faire, c'est évident. C'est une maison, la robotique s'occupe de tout. Tu sais, tu te promènes dehors pendant ce temps-là. C'est le ménage. Le ménage. La vaisselle, tu sais, la vaisselle, c'est l'aliment. Si tu manges l'assiette pour te nourrir, tu sais. Pas de lavage. Mange le couteau. Pas de lavage non plus. Prends une tasse de café. Ah ouais, c'est le cas de pas de café, tu manges en tasse. Dans la maison, il y a une salle d'entraînement. L'individu s'entraîne régulièrement et puis partout dans la maison, c'est facile à faire. Il a tout ce qu'il faut pour se former. C'est ce qu'on appelait une salle PMC, une salle qui oblige l'individu à suivre un programme qui l'amène à devenir son maître contrôleur. Salle de résonance, dépendant de ce que l'individu a besoin, tout est dedans. Ainsi, évidemment, qu'une banque informatisée ou ce qu'il a accès à... Puis évidemment, des maisons comme ça, ben, vous avez, ça existe déjà. Pas ici. Est-il possible de faire des rêves ou des voyages astro-collectifs? Si oui, comment? Oui. Oui, parce qu'on en fait de temps en temps, on s'amuse, c'est intéressant. Il y en a plusieurs qui poussent pour qu'on en fasse plus. On en fait comment? Comment on fait? Bien, on se couche à terre, comme ça on est sûr que si on s'endort, on ne tombe pas, première chose. La meilleure chose à faire, c'est de se placer dans une forme circulaire ou cadrée, en tout cas, de se placer de façon à ce que toutes les mains puissent se toucher, c'est la meilleure façon. Pourquoi? Parce que les énergies astrales et vitales doivent finir par vibrer d'une certaine forme. Par la suite, on doit répéter certains mantras qui harmonisent simplement les corps astraux, vu que c'est un voyage astral collectif qu'on veut faire. Et il doit y avoir une personne qui a déjà fait des voyages astrales, qui a la capacité de diriger le voyage astral collectif, et par la parole, il commence à parler. Ce qui fait que finalement, il va hypnotiser toute la collectivité. Et hypnotisant toute la collectivité, il engendre son voyage, il décide, il détermine certains facteurs de son voyage astral, les cheminements que tout le monde devra suivre, et au fur et à mesure, il gagne par exemple un territoire. À un moment donné, on est allé en Égypte, et lorsque le groupe descend, je pose la question au groupe, vous devez voir certaines choses, que voyez-vous? Là, je me promène dans la conscience de chacun des individus. Il y en a qui voient les pyramides, il y en a qui voient un immense jardin. Alors, je sais qu'on n'est pas tous à la même place. Alors, je dis, voyez-vous la pyramide? Là, immédiatement, les perdus arrivent. Et puis, on peut faire jusqu'à un moment, on peut terrestrifier suffisamment le vecteur voyage astral à un point tel que maintenant, on sent, on goûte, on voit, on entend. Et on perçoit la chaleur. Le voyage est collectif. On n'en dit pas plus que ça, on laisse les gens visiter des choses. Quand on revient par la suite, eh bien là, on fait l'interview des individus pour savoir à quel point le voyage a été réellement densifié. Alors, on dit, toi, tu as vu quoi? Eh bien, j'ai vu un énorme... Correct. Toi, tu as vu quoi? Ben moi, avec, j'ai vu... Bon, c'était quoi? Pour voir les relations, de façon à ce qu'un individu ne communique pas à tout le monde ce qu'il a vu. Alors, un immense jardin, c'est correct. Qu'est-ce qu'il y avait dans le jardin? C'était des oliviers. C'était quoi, toi? Ah, ben oui, effectivement, il y avait des olives. Parfait, on est à la même place. Bon, ça se fait, il n'y a pas de problème, c'est très amusant. La spécialisation est non intelligente. Je suis à la croisée des chemins sur le plan professionnel. Si je retourne aux études, quelles sont les options qui m'aideraient à ne pas tomber dans la spécialisation? Votre conscience, c'est tout. L'individu doit ne jamais... Une planète intelligente est une planète où tous les individus ont accès à toutes les informations, à toutes les possibilités de la planète. Vous devriez être capable de piloter un hélicoptère, de piloter un avion de chasse, de piloter un Boeing, de piloter une automobile, de piloter une motocyclette. Tout. Un cheval. Vous devriez être capable de tout faire. Puis c'est tellement plaisant. On aurait déjà tous dû faire du saut parachute. du vol à voile. De la voile tout court. Ben oui, c'est plaisant. Au moins une fois, histoire de voir ce que ça donne. Vous devez tous, si c'est pas maintenant dans votre prochaine vie, devenir des James Bond. Voilà, hein? Je t'en pense. Ça te plaît, ça va? Ouais, bon, jamais. Le maintenant, t'as hâte. Ouais. Au niveau de la spécialisation, l'individu qui se spécialise en informatique, parce que c'est ce que son emploi demande, il ne peut pas s'arrêter et dire, ouais, mais là, évolutivement, je suis en train de me spécialiser. Je parle de la conscience. Est-ce que vous allez tout baser votre vie sur l'informatique? Plus rien d'autre. Quand vous avez un loisir, c'est dans l'informatique. Pourquoi c'est pas dans l'équitation? Pourquoi c'est pas dans le jardinage? Oui, mais le jardinage, il fallait mon jardinier. Non, là, vous allez acheter des livres, puis là, vous commencez à faire du jardinage. Vous avez un problème dans votre maison, dans votre domicile, dans votre automobile, dans votre santé. Vous étudiez là-dedans. C'est ça, ne pas être un spécialiste. Vous devenez un spécialiste de tout ce que vous avez besoin d'avoir. C'est ce que j'ai expliqué dans la première partie. Professionnellement, vous devez vous spécialiser. Spécialisez-vous. Ça va augmenter votre barème de salaire. Merveilleux, ça va vous donner plus de temps. Si vous êtes intelligent, si vous en servez comme il faut. L'argent devrait amener le temps. On doit être riche des deux, et de temps et d'argent, pour pouvoir être libre. Alors, la spécialisation, là où elle est inintelligente, c'est dans le phénomène de la conscientisation. Dans une société... Bon, prenons l'exemple. Cet hiver, quel genre de sport vous allez faire? Ceux qui n'ont jamais fait de judo, ou d'aïkido, ou de karaté, c'est peut-être le temps de prendre un 6 mois cet hiver, s'inscrire, ils se vendent les kimonos pour inscrire des élèves. 2$, kimono compris, on est bon. Vous n'avez jamais fait ça, trop âgé pour faire ça, trop faible pour faire ça, trop féminine, trop masculine, trop bon, trop faible. Là, t'es dans les raisons. L'ego est tout là pour ça. C'est le temps d'essayer. Vous ne serez pas un spécialiste, mais vous aurez des connaissances dans bien des domaines. Qui s'inscrit un été au jardin botanique pour apprendre des choses? Qui va au planétarium de temps en temps pour voir des choses? Qui, à un moment donné, décide de chercher un livre d'astronomie? Ah, j'ai pas de télescope. Rien à voir. C'est quoi une supernova? C'est quoi Bételgeuse? C'est quoi l'hémisphère nord? C'est quoi une comète? C'est quoi? Bon, qui, à un moment donné, va fouiller dans une bibliothèque et se ramasse un livre sur les centrales nucléaires? Comme ça. Ouais, mais je perds du temps. Non. Faites deux choses. Vous augmentez votre vocabulaire. Et ça, c'est primordial. Et puis, vous allez chercher de l'information sur votre planète. Vous êtes un extraterrestre qui est arrivé sans visiteur, puis après 30 ou 40 ans, vous ne connaissez rien de planète. Et le patron, à un moment donné, va commencer à crier. C'est utile. Et on ne devient pas spécialiste. La prédigestion du supramental en faveur du monde spirituel est douloureux. Pourquoi l'intelligence n'utilise pas des robots ou des golas qui ont la capacité mécanique intelligente pour souffrir et non l'homme qui a eu le malheur de se conscientiser parmi les premiers? Ou les MTS sont-ils des golas qui s'ignorent? C'est très, très, très, très, très bien. Premièrement, l'intelligence, oui, c'est ça, c'est que je ne voulais pas le dire, mais l'intelligence transforme ces humains-là pour que ces humains-là informent ou forment des golas par la suite. Le gola, c'est un clone d'un humain, copie conforme d'une psychologie astralisée humaine, qui n'a pas de vecteur d'évolution, mais qui est capable, dans la copie parfaite de l'être humain, de vivre ce que l'humain vit. Un gola programmé à souffrir, à exprimer la souffrance, souffre autant qu'un être humain. Du point de vue de l'humain, on se dit, c'est pas grave, c'est un gola. Comme de dire, on a fabriqué un robot qui souffre à ma place. S'il souffre à ta place, il souffre comme tu souffrais. Pas grave, c'est un robot. C'est ce que les dieux se disent. Vous souffrez à la place des dieux. Pas grave, c'est des humains. C'est le même point de vue. Les golas qui sont fabriqués, qui vont être fabriqués, souffriront comme l'humain. Ils feront... Ça sera aussi con que ce soit un humain ou un gola. C'est de l'énergie corporifiée, formique, qui souffre. Maintenant, l'intelligence ne peut prendre de l'énergie, en faire de la matière capable instantanément de vivre l'évolution humaine. De ce fait, pour que l'intelligence soit prédigérée, elle doit être prédigérée par un humain. On ne peut pas bâtir à l'extérieur. Ça a pris des milliards d'années avant d'arriver à vous créer vous autres. Fabriquer quelque chose comme ça, on ne peut pas. On prend un humain qui a un ego suffisamment puissant pour supplanter le mental, copier le mental, créer un clone du mental dans l'ego, abdiquer, éliminer le mental et aller se connecter à l'astral supramental, les réservoirs qui ont été remplis par les individus qui sont passés, qui ont parlé. Eux prédigèrent et eux souffrent, mais ils souffrent dans le mental, ce qui fait que malgré leur pauvre situation, ils ne souffrent pas autant que plusieurs parmi vous ici qui ne deviendraient jamais un MTS. L'ego est toujours un martyr de la transition supramentale. Je parle de l'individu globalement. Il y a des individus ici qui souffrent beaucoup plus que ceux qui ont comme fonction de la prédigestion de l'intelligence, parce que vous ne deviendrez pas un prédigesteur, vous allez devenir un exprimeur d'intelligence. Est-ce qu'il n'est pas pareil? Alors, l'intelligence fonctionne en fonction de ce qui doit être fait. Mère Mira incarne-t-elle des divinités célestes ou cieux-lestes? Céleste. Céleste. Émane-t-elle de l'amour bouddhique ou de l'amour du haut astral? L'amour du haut astral. Quelle est la spécificité de Mère Mira sur la Terre? Elle ne semble pas exprimer uniquement la logique intelligente dont tu parles à lire les commentaires des gens qui la côtoient. Non. Effectivement, Mère Mira, c'est un opérateur. C'est une personne qui fait un travail extraordinaire. C'est une personne qui a le rôle de cimenter des égos mal brisés. Oui, c'est ça. Je l'ai dit. C'est bien. On dirait que ce n'est plus moi qui dirige. On me pousse et je ne contrôle plus rien. Je n'arrive plus à être jalouse, à aimer, à haïr, même le chum de Chantal Daigle. Je suis surprise, j'essaie de revenir en arrière, mais c'est impossible. Je ne suis plus moi, ou bien je suis moi. Je me sens deux. Cet état est nouveau, mais pas confortable nécessairement. Est-ce long, cet état de se sentir deux? Bon. Félicitations, premièrement. Tant pis pour vous. En même temps. Vu qu'ils sont deux, tu parles aux deux. Ça. Le mental, lorsqu'il se développe, il finit par se libérer de la mère qui l'a mis au monde, l'ego, l'astral. Le mental, exprimant de l'intelligence, fait de vous un être nouveau, surhomme, surfemme. Cet être-là n'a pas la problématique de l'humain conventionnel. Étant donné qu'il est maintenant dans la conscience du corps physique, il y a deux entités. Je le dis souvent, vous cohabitez avec de l'ego. L'ego qui a toujours été le moi découvre à un moment donné qu'il y a une autre facette du moi. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a un autre moi. Ce n'est pas une autre facette de lui, c'est une autre personne, le mental. Ce mental-là moins souffrant, moins problématique, c'est votre vous, votre moi réel. Et l'autre moi, c'est ce qui reste. C'est la mémoire, l'enveloppe, le linge. C'est la structure, le moule. Vous êtes l'œuvre d'art. Mais le moule, l'échafaud, il reste convaincu que sur un autre échafaud, la maison va s'effondrer. Donc, l'échafaud veut rester là, lui. Il y a deux choses. C'est pas nécessairement confortable, c'est évident. Le mental, c'est confortable. Quand l'ego voit que le mental a vu que, l'ego se plaint, c'est pas confortable. Le mental voit que l'ego chiale. Le mental n'en souffre pas. L'ego sait que quelqu'un a vu que ça chialait, mais l'ego souffre un peu. Et ça se promène d'un bord puis de l'autre. Et là, vous allez être réellement sinusoïdal, mental, astral, mental, astral, mental, astral. Vous allez voir clair, vous ne verrez plus rien. Vous allez savoir, vous avez vu clair, vous ne saurez plus pourquoi. Et ça va comme ça se promener. Confortable, pas pour l'ego. Pour le mental, non plus à cause de l'ego. Pour l'ego, non, à cause du mental. Mais c'est génial. C'est le chemin. Vous venez de sauver quelques milliers d'années. C'est déjà une chose. Combien de temps ça dure? Approximativement le temps que ça prend. Plus ou moins, combien? Entre maintenant et plus tard. Ah, c'est pas correct. C'est un facteur d'anégoïsation. Plus vite vous allez être capable de supporter votre état, plus court l'état sera. Y a-t-il un libre arbitre avant l'incarnation chez l'homme? Sinon, comment se fait-il que... Ben, on va attendre, oui ou non? Sinon, comment se fait-il que l'homme ait une notion de libre arbitre s'il n'existe pas, autrement que par manipulation? Autrement dit, le libre arbitre existe-t-il quelque part? Oui, le libre arbitre existe quelque part. Mais c'est pas un vrai quelque part. C'est en dehors de l'espace-temps. Bref, en dehors de la création. C'est de l'intentionnalité pure. Pourquoi l'être humain a la conscience du libre arbitre? Parce que premièrement, dans l'effusion des énergies pour engendrer les phénomènes créationnels, il y a la trace mémorielle, la trace effusée de ce que ça était avant. Donc, trace d'intentionnalité, colorée trace de bouddhicité, l'amour, colorée trace d'intelligence, colorée, on tombe dans le contexte planétaire avec les contextes divins. En plus, étant donné que les dieux manipulent l'humain et que les dieux sont totalement aussi stupides que l'homme, je parle des dieux célestes, les dieux dans le contexte planétaire, ça n'a pas été long que la seule façon d'obliger l'humain à se retourner vers les dieux, c'était que les humains devaient adorer les dieux. Pour que les humains adorent les dieux, il fallait inclure dans la conscience de l'humain l'idée qu'à un moment donné, que si l'humain est dans la merde actuelle, c'est pas la faute des dieux, c'est la faute de l'humain. Que les dieux ont tout donné à l'homme et que l'homme, ayant un libre arbitre, a commis une bévue. Lorsqu'on devient suffisamment teflon, on se pose la question, si j'ai été créé parfaitement, je ne pouvais pas commettre de bévue. Sinon, dans ma perfection, on a laissé une place pour que je puisse en commettre. Ou sinon, on est menteur quelque part. Étant donné que nous sommes dans la problématique, dans la merde planétaire, terrestrifiée, planétarisée, les dieux, pour ne pas perdre le contrôle qu'ils avaient sur l'humain qui était en train de s'amifier, devenir un humain amique avec une arme, par la suite mentalisé et conscientisé, a créé l'idée de la chute dans toutes les religions. Création, nous vous avons créé, mais vous avez fait quelque chose d'interdit. Dieu étant un être qui se vexe, voici la problématique. Vous avez donc le libre arbitre, et tout ce que vous faites qui vous fait souffrir, ben c'est de votre faute. Et la façon d'empêcher l'humain d'évoluer trop vite, c'était de transformer son énergie en culpabilité, en honte, en retour vers Dieu. Mais ça nuisait à qui se transforme vite? Qui évolue? Aux dieux. Pourquoi? Parce que les dieux, c'est la mémoire de l'expérience. Étant donné que l'effusion de l'intelligence, l'effusion, disons, de l'âme est terminée, il n'y a plus d'expérience. N'ayant plus d'expérience, plus de nourriture, refroidissement, oubli des dieux, oubli de tous les contextes. Étant donné qu'il aurait oublié, l'homme était rendu au point culminant de sa densification, de son effusion, recommence à monter. Si on est capable de posséder l'humain, puis animer l'humain dans sa sécrétion émotive, va créer de l'expérience, donc nourrir les dieux. Si l'humain arrive à s'en sortir, il nourrit plus personne, les dieux meurent au complet. Le monde de la mort meurt, tout disparaît. Tout disparaît, tout évolue, mais dans la conscience même de celui qui est limité, ça disparaît. Le ciel n'est-il ouvert qu'à un endroit, celui du faisceau nazaréen, ou si le nazaréen l'a ouvert à tous les endroits autres que son faisceau? Le ciel est ouvert uniquement au niveau du faisceau nazaréen. Le ciel ou les cieux? Le ciel. Pour sortir du ciel, tu rentres d'un cieux après. Il est ouvert uniquement au niveau du faisceau nazaréen. La problématique, c'est que tous ceux qui sont reliés au faisceau nazaréen sont déjà partis. Et c'est pourquoi l'humain s'attache tant à l'image du Christ, à l'image du Sauveur, à l'image du Nazaréen, dans l'espoir d'être sauvé par là. Il a dit, tous ceux qui croiront en mon nom, par là ceux qui vivaient à l'époque, seront sauvés. Il n'a pas menti, ils ont été sauvés. Maintenant, il y a le faisceau nazaréen, il y a 12 autres faisceaux qui doivent être ouverts. Et là, le reste de l'humanité est inclus dans ces faisceaux-là. Passes-tu par le même trou? Non, c'est pas ben, par le même trou, oui, c'est-à-dire par le trou. Hein? Comment tu appelles ça quand il n'y a plus de mur? Est-ce que c'est un trou? Bon, ben, quand il n'y aura plus rien autour de la boule, ça sera le trou. Il faut attendre que le ciel disparaisse avant que je sois ouvert. Il ne faut pas attendre que le ciel disparaisse. Il ne faut pas disparaître. C'est pas une question d'attendre, c'est une question de farce en affaire. Non, quand il n'y aura plus de ciel, quand on l'aura digéré, effectivement, il y aura plus besoin de trou. Dans Jésus de Montréal, on appelle le Nazaréen Joshua ben Pantera, le fils d'un soldat romain. Si effectivement Joseph n'est pas le père biologique, se peut-il que le Nazaréen soit le fils d'un soldat romain? Oui, j'ai reçu à Ben Joseph. C'est évident que Jésus n'est pas le fils de Joseph. Ça, c'est évident. Est-ce qu'il est le fils d'un soldat romain? Non. C'était pas un soldat. C'était le fils d'un romain? C'était pas un romain. Mais une chose certaine, c'est pas le fils de Joseph. Et l'humain se rapproche de plus en plus de... C'est intéressant à le faire. C'était qui le père? Le père du meuble? Il n'existait pas à l'époque. Oui, le père du Nazaréen, le père du biologique, c'était un Essénien. Connais-tu le nom? Oui. Qui quoi? Il s'appelait Melchisédek. Bonne semaine. À la semaine prochaine. Alors, à la semaine prochaine.